roule un pur jet. Clin pu, colle en un turmgène. Leur duchesse n'a plus de but, n'a plus que la pure pour se purger. Frère, je sers en butée, je lutte, je vois que la merde nous bute. Je gueule qu'il y a plus que des putes. J'ai mal au cœur, ouais, je crois que je vais me faire amputer. J'en mate ces chiens qui craquent sur chaque femme. Sur les pervers, je tire, j'en cherche une qui soit bien. Mais je crois qu'à chaque fois, je fais que les pervertir. Je kick et vise le crâne, le bis, le vice et roi. J'emmerde l'envie, ce roi. Tu veux que nos vies se croisent, viens sur les pistes noires. Là, j'ai plus de tête, je vide vite ma coupe, elle est ma rage. Dans la reste, fuck la plus belle, je finis ma bouteille et je m'arrache. Je m'en bats la race de tes cuisses, fais des étoiles, je consomme mon verre qui se charge. Je m'en bats tout tes cuisses, je mate les étoiles, je console mon frère qui chiale. Et l'empathie, fait que mes larmes coulent, ouais, sois force au saut. Tous nos efforts sont saufs, je saute, je donne toute ma force aux autres. Non, je suis pas cool, je dis, j'ai ma tristesse à compter. Toi, t'as mille rêves à compter, moi j'ai un T-Rex à dompter. Tu veux boire en boîte, ben zap à la parade, j'aime pas ça la parade. Moi, si tu veux me voir, ben passe à la baraque. Je suis dans mes sons, je veux des raisons, ce que je veux tout savoir. Mais dans mes sons, je pousse à la réflexion, moins que ce que je pousse à boire. Fais du bordel, fais tout cramer, on veut des brasiers de là. Grâce à ces odeurs, je prends de la hauteur pour mieux m'écraser. Taille la m'assassine, faut qu'éveiller la m'assassise. Un cœur gelé, mon cœur me jeter comme si j'étais. Y'a ma cassie, j'suis la vingtaine, faut que je m'assagisse. Mes cousins, non, c'est pas mon monde. Le prochain sur la liste, j'écoute l'annonce, c'est pas mon nom. J'ai raté les premiers virages, si je vois la joie, promis j'irai. Mais j'ai rien d'original, j'suis de ces vieilles âmes originelles. Le poids du monde sur le dos, j'ai pas compris ton blabla. J'suis parti, j'fonce sa balle, faut pas que la batterie tombe à plat. J'suis en plein battre et puis j'm'en balais. La grisaille, plus de 3 sous l'art. J'appuie sur mes plaies, j'écris ça, tu crois que ça me soulage. Pff, le cache, secret sur ma gueule, ouais, donc cher seul, j'vais tout droit. J'cache mes secrets dans mon cœur, donc j'sais que personne les trouvera. J'suis dans mon trou, mais ça va, entre le doute et le savoir. Trop faut attendre pour entendre, le muet trouver sa voix. J'suis à l'ancienne, j'envoie mes couples et nos bouteilles s'échouent. Les yeux dans le ciel, mes pareils coupent et des bouteilles s'échouent. J'suis pas dans ce jeu, juste à la bourre, elle s'étouffe. J'suis pas dangereux, juste un peu bourré, c'est tout. La pluie est sur la ville, mes cris sont longs, le cri sans l'ombre. La buée sur la vitre, j'écris son nom. Mais comme la vie, le monde s'efface, le monde s'efface, il ne reste qu'une seule issue. Comme sur la vitre, le nom s'efface, il ne reste qu'une seule issue. De la nuit jusqu'au jour, de la mèche du scotch, nous. Ça prend l'entente, j'avance lentement, de la neige jusqu'au genou. Le roi de la nuit m'attend, je fonds, je prie, j'ai pris la pente. Un piano en fond, le bruit de la pluie battante.